traînera dans la poussière ton chameau sur le dos. Tu te donnes des nouvelles, tu t'amuses des journaux. Moi, tu es la planète du monde. J'aimerais percevoir.